C'est mon côté somnambule. L'amour au jamais bigleux. Surtout qu'il y a des sommes en vue. T'étais pas là dans la reggae quand je bataillais pour mon dieu. Je te pisserai pas dans la bouche même si tes poumons brûlent. Très vite on se maintient. Transformation comme des Haussmanniens. J'ai jamais vu de cauchemar bien. Et si les petits disent on a du Haussmann vient. J'ai le pilotage comme O'Connor. Ces enculés se retrouvent au kiné. Y'a un novice qui crie au voleur. C'est qu'il y a un bandit dessus ton guichet. Faut que tu lâches frère. Fais doucement fume à la jamaïcaine. J'ai du cash vert. Ah frère Leicester. J'veux la pure au sang. Et qu'au fond point on n'a pas pu se ressembler. Ça va la pure ressembler. Dans la canette j'ai dû ressembler. J'suis pas dans la technoparade. Wesh mais comment détective pareil. Au final on finit tous par là. Non mais nique sa mère on refait pareil. Du champagne pour déguster. Y'a tout amigo mais que gusta. J'ai fini la grègue où j'vais. Faire crier le Vétusta. Gravé comme un graffiti fait pas l'ancien. J'ai vu personne qui gratte autant. Pour marquer je me place au centre. Faut vider la vessie donc je me garde ici. J'ai quelques apparts à meubler. Chargeur qui ressemble au reblochon. Du salon on fait avec mes renois et mes rebochons. Tu veux gagner des thunes. Tu peux pas, c'est pas en perdre. C'est pas en perdre. C'est mort, tu peux pas gagner les thunes. Loussa tu veux narguer qui. Dis mal c'est l'ambiance du parc des princes. Sur le terrain j'ai marqué vite. Cognon pas matrix c'est par des ins. J'découpe en direct du labo et j'dérape comme Sébastien Loeb. Un peu de coke, un peu de gelato. On repartira pas sans l'or. Le business est carré comme la place Vendôme. Il me faut la RR Fantôme. Il me faut les îles Fidji.